Bonjour tout le monde, ici André Péloquin et vous écoutez Pod Modernisme, la 30e édition. Hey, salut tout le monde, c'est André Péloquin. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, bienvenue à la 30e édition de Pod Modernisme, la balado-diffusion, le podcast qui essaie de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Débutons sans tambour ni trompette dès maintenant avec deux premières pièces. On va débuter avec les Lovely Feathers, groupe de Montréal, avec la pièce Rome is in the Valley. Ensuite, on va poursuivre avec un classique des Unicorns, c'est Inoculate de Innocuous. Désolé pour l'accent anglais petit peu minable. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'écrire à podmodernisme, podmodernisme, @gmail.com ou encore passer par mon site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com pour avoir plus de détails sur les formations jouées. On débute dès maintenant avec les Lovely Feathers sur Podmodernisme. Absorbed and collected. glands and fatty tissues over time, over time. Which relaxes when you cry. Somewhere in the eye of my brain, there's a muscle which makes me go. For hidden substance, but no flavors and aromas go on. Reflect on your absence, genuflect in my presence. Remove your abscess. They say it's cancer. Bonjour tout le monde, c'est toujours André Péloquin avec vous, dans vos oreilles, à Pas de modernisme, la balado-diffusion des gens heureux qui aiment ce qui se fait d'alternatif au Québec, que ce soit en français, en anglais, que ce soit du rap gangsta ou de l'électro fluorescent, et plein d'autres expressions qui ne me viennent pas en tête en ce moment précis. On vient de terminer avec Inoculate de Innocuous. des Unicorns, que j'ai massacré en disant le titre de la chanson. C'est tiré de leur album Who Will Cut Our Hairs When We're Gone. Un peu avant, on a débuté avec Les Lovely Feathers, c'était la pièce Rome Is in the Valley, tirée du compact I'm Hind Legs. On va poursuivre de maintenant avec des pièces de Islands, une nouvelle pièce des Stills, qui est ouf, chacun ses goûts, et on va terminer avec un démo d'Arcade Fire qui s'appelle Accidents. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous le rappelle une fois de plus, mon adresse courriel c'est lepodmodernisme@gmail.com, mon site web c'est lepodmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec O Shoplifter des Stills sur Podmodernisme. Hover around. is Alaska and an icy Argentine, they say. Now I've seen it all. No volcanoes in trouble with the gods. We did it our way, misbehaved with the sunshine. Now it's gone. Alaska and in icy Argentine, they say, now I've seen it all. Silver and snow. and you. Where does a promise go when you pretend it isn't there? Do Hola, c'est pas de modernisme qui se continue, je m'appelle toujours André Péloquin et on vient d'entendre Accidents de Arcade Fire. Un peu avant, on avait Volcanoes, The Islands, c'est tiré de leur album Return to the Sea, et on a débuté avec les Stills avec la pièce Whole Shoplifter. On vous suit dès maintenant avec un bloc plutôt spécial qui va réunir des pièces de projets adjacents à Wolf Parade. On va débuter avec du Frog Eyes, ensuite on va avoir du Sunset Rubdown et on va terminer avec une pièce de Dan Bochner. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, au cas où vous l'auriez oublié, podmodernisme@gmail.com, podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec The Oscillator's Hum de Frog Eyes sur Podmodernisme. It's important that you're running, it's important that you're asking, it's important that you set yourself a woman in disguise. But sacrificed by the false will be delivering their cause. Hey, George, look what they found. We're out here talking about everybody's talking about. We may be coming now, she's shouting, oh, she calling out the sniper's by the false will be delivering their cause. Hey, George, look what they found. Who's in this building, in the building that we build? It's Not that you Rebonjour tout le monde, vous écoutez toujours pas de modernisme, c'est toujours André Péloquin au micro pendant sa pause de dîner au boulot qui vous parle, peu importe la journée dont vous déciderez d'écouter cette balado diffusion. On vient de terminer avec Dan Bochner, un peu avant on avait Sunset Rapdown avec la pièce We Got Broken Eyes et on a débuté avec The Oscillator's Hum, c'est tiré de l'album The Folded Palm de Frog Eye. Et c'est toujours pas de modernisme, la balado diffusion qui tente de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif, tout ce qui est produit au Québec et underground, patati patata, description de l'émission, c'est fait. On va poursuivre de maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. Si vous voulez, on va débuter avec du Think About Life de Montréal. Ensuite, on va y aller avec un remix de Chromeo. Et on va terminer avec, pourquoi pas, un remix de Je ne sais pas de Dumas. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, une fois de plus, passez par mon site web, c'est lepodmodernisme.blogspot.com. Et mon adresse courriel, c'est lepodmodernisme@gmail.com. On débute de maintenant avec Think About Life en compagnie du rappeur Subtitled sur Podmodernisme. Ouais. It's not a love song, that's not for me. It's about you trying to think about 3 minutes away from me. Underneath some sea, locked in a new sub, overgrown tub. I see you at a party and I'm like, what's up? Most likely to strike up talk on what the future might be. But you won't find me in a location like a room lit brightly or a train station with a strange destination. Deep within a mountain range where a bear may sleep hibernation. I'm waiting for hard beats to creep in my version. I'm locked in a basement with a boarded up window. The location adjacent to two vacant places. A solitude that isn't in blue. Those who intrude in our hopes and for an interlude that keeps me unglued. Cold keeps me asleep. When my blood's all icy, that suits me nicely. The price may be high, but I'm way precise. You pay for the focus on the sound device. The price may be high, but I'm way precise. You pay for the focus on the sound device. You pay for the focus on the sound device. You pay for the focus on the sound device. You think about life on the sound device. Submerge yourself on the sound of the different device. Oh.

j'ai comme l'envie de te dire. Thank you. Rebonjour tout le monde, vous écoutez toujours Pod Modernisme, je m'appelle André Péloquin, oui je n'ai pas changé de nom, et on vient de terminer avec Je ne sais pas de Dumas, le remix. Un peu avant on avait Chromeo avec Me and My Man, c'est le Fly With Them remix, et on a débuté avec Think About Life en compagnie de Subtitle, je crois que la pièce s'appelle What the Future Might Be, ça va être sur leur album éponyme qui devrait sortir très bientôt. C'est déjà tout pour moi, on va se retrouver d'ici une semaine ou deux, et on va terminer avec Rufus Wainwright qui chante Leonard Cohen, pourquoi pas. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions d'ici la prochaine édition, rejoignez-moi à podmodernisme@gmail.com ou passez par mon site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Salut tout le monde! Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guys lost. Everybody knows the fight was fit. Poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. And everybody knows. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you're done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining article of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. This